de quelle merde ils viennent. J'suis pas là pour la mode ou la lourde, pas là pour plaire, mais plutôt pour déplaire au fils de pute que j'aimerais voir mort tabassé avant d'être pendu. Jamais j'vendrai mon âme aux anges déchus. J'ai des valeurs, des principes et des si je suis de constater que le respect et la solidarité disparaissent pour laisser place à l'individualité, l'ami. Si, si, ici c'est dangereux. Puis payer à 10% ce que tu vas rapporter à leur parachute dorée. Endoctriné depuis la naissance à respecter leur instance. Penser et souvenir d'une si douce enfance. Apprendre que tu n'es qu'un chien, maman, ça m'offense. À l'essence, je vais récupérer mon indépendance. Trouble de conscience, aux yeux des peuples inconscients. Ils sont menés par le bout du nez, mais sont-ils contents? Abusés par la vérité, mais restent-ils méfiants? Envers ceux qui ont choisi d'être leurs dirigeants. J'exprime un sentiment à l'encontre de leur patience, de la raison. Envers ceux qui se prennent dans l'opulence. Dans l'urgence, mec, dis-moi ce qui pèse sur la balance. La monnaie ou l'avenir d'un monde dans des cadences. C'est l'éveil des consciences, un sang dans les sens. C'est les oracles dans les sens. Pourquoi j'espère que l'éveil des consciences, c'est des innocents. Le distance du temps, c'est l'éveil des consciences. Et les sons racontent des sons. On se dit pas que non. L'éveil des consciences, garder l'infini l'innocence. Réticence et résistance. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que la masse a perdu la vue. Pourtant y'a plus en plus des populaces en garde à vue. Manipulateurs et calculateurs de politique, vraiment un tas stratégique. J'voudrais dire si maire au ministère de provoquer un tel éclipse populaire. Vous sentez pas la grouille dans l'air? J'ai vos serres qui chauffent quand je vois le chômage en hausse et ces putains de salaires qu'attendent qu'on les rehausse. Je n'oublie pas les militants qui galèrent, qui s'empêchent de faire tourner notre terre, de faire respirer l'air pur de notre atmosphère, de faire stopper les guerres qui utopisent le bien de notre terre. Dure et longue sera la route jusqu'au bonheur. Envie de faire brûler Babylone dans les flammes de la terreur. Mais si personne n'écoute, ne vous étonnez pas qu'il y ait autant de barrières sur vos routes. C'est l'éveil des consciences, un sang dans les sens. C'est les oracles dans les sens. Pourquoi j'espère que l'éveil des consciences, c'est des innocents. Le distance du temps, c'est l'éveil des consciences. Et les sons racontent des sons. On se dit pas que non. L'éveil des consciences, garder l'infini l'innocence. Réticence et résistance. Réticence.